Eh bien, bonjour à chacun, à chacune. Nous avons beaucoup de joie, Laura et moi, à chaque fois que nous venons ici pour venir prêcher la parole de Dieu. Voilà, c'est moi le messager aujourd'hui. humble messager, voilà, et j'ai du plaisir à être avec vous. Il y a Laura qui est là également avec nos trois enfants, et j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans la référence va s'afficher. Voilà, Matthieu chapitre 26, nous allons lire quelques versets là, et puis un autre texte ensuite dans 1 Corinthiens. Matthieu 26, verset 26 jusqu'au verset 29. Je lis dans la Bible du Semeur. Je vous invite à trouver la référence. Et j'affiche déjà même la deuxième référence qui suivra, 1 Corinthiens. Donc Matthieu 26 tout d'abord. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit une coupe. Et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et donc une deuxième référence biblique aussi que je vous invite à lire dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 17. 1 Corinthiens 11 verset 17 jusqu'à la fin du chapitre. On est dans un ensemble de chapitres ici où l'apôtre Paul s'adressant aux chrétiens de Corinthe. Il aborde un certain nombre de sujets, les uns après les autres. Et là, il commence comme cela. « Puisque j'en suis aux directives, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. » J'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on raconte. Sans doute faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leurs preuves soient clairement reconnus au milieu de vous. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur. Car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions. Et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en mémoire de moi, ou en souvenir de moi. » De même, après avoir pris le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boivent de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Ainsi donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas en commun, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a particulièrement faim, qu'il mange d'abord chez lui, afin que vos réunions n'attirent pas sur vous le jugement de Dieu. Quant aux autres points, je les réglerai lors de mon passage chez vous. Voilà les deux textes qui vont nous servir pour la prédication d'aujourd'hui. En particulier, cette deuxième référence ici, 1 Corinthiens 11. Donc vous vous en doutez, la thématique aujourd'hui, c'est en lien avec la scène, qu'on appelle aussi le repas du Seigneur, ou la Sainte Cène. C'est une des deux ordonnances que le Seigneur Jésus a laissées à son Église. La première ordonnance étant le baptême. Le baptême, première ordonnance, et la scène, la seconde. Quand on parle de la scène, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? La scène, qu'est-ce que c'est ? Premièrement, la scène, c'est un repas. On parle donc, comme je le disais, du repas du Seigneur. Et d'ailleurs, le mot scène, C-E accent grave, N-E, ça vient du latin et ça veut dire cena, qui veut dire repas. C'est du latin cena. La scène est donc un repas qui a été institué par notre Seigneur Jésus au cours d'un repas, la veille de sa mort, de sa crucifixion. Et on lit cela dans l'évangile de Matthieu, de l'évangile de Marc et de l'évangile de Luc, et également dans ce texte de 1 Corinthiens 11. Et lors de cette institution, de ce repas de la scène, on est dans le contexte de la fête de la Pâque juive. Le lendemain, il y a, voilà, c'est le moment de la Pâque, on immolait les agneaux, etc., et on mangeait. Et on célébrait cela en souvenir de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte et du terrible esclavage qu'il y a eu en Égypte pendant beaucoup d'années, 4 siècles. Donc la scène est un repas, et un repas qui se prend dans la joie, un repas festif qui se prend dans la présence du Seigneur. Alors ça peut vous paraître peut-être curieux de parler d'un repas de joie, alors que la scène, on va y revenir tout à l'heure, en parlant de son sens, fait référence à la mort de Jésus-Christ. Il n'y a pas de quoi se réjouir que Jésus ait dû venir pour mourir pour nous. Et pourtant, je suis convaincu que la scène est un repas de festivité, de joie. Et je vous explique pourquoi. La première mention d'un repas dans la Bible, c'était dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 1, chapitre 2. Les êtres humains, Adam et Ève, venaient d'être créés par Dieu et ils bénéficiaient d'une nourriture abondante, à l'exception du fruit d'un arbre. Et Dieu avait créé Adam et Ève pour qu'ils soient en communion parfaite avec lui. Ils étaient dans la présence de Dieu et ils jouissaient de cette présence et prenaient du repas que le Seigneur leur avait donné, de tous les fruits du jardin, à l'exception d'un. Et puis, quand le péché a fait son entrée dans le monde, la communion avec Dieu a été brisée, cassée. Alors Dieu a institué dans la loi qu'il a transmise à Moïse différents temps, différents moments de repas festifs pour représenter au moins partiellement une restauration de la communion qu'il y avait originellement dans le jardin d'Éden. Et la scène, le repas de la scène, s'intègre dans ce cadre-là. C'est un de ces repas-là. Cependant, la scène est beaucoup plus joyeuse parce que la scène rappelle que Jésus a accompli le pardon des péchés en mourant sur la croix. Et on va y revenir tout à l'heure un peu plus en détail. Les repas qui étaient pris dans l'ancienne alliance se faisait souvent avec des sacrifices d'animaux. On les sacrifiait toujours et toujours et on partageait des repas ensemble, un peu dans la festivité, dans la joie, pour retrouver quelque chose de la communion avec Dieu. Mais en même temps, les sacrifices d'animaux de l'Ancienne Alliance ne faisaient que pointer vers le sacrifice ultime de Jésus-Christ, le Messie, le Christ qui devait venir et qui est venu. Et en ce sens, la scène est l'expression, elle aussi, d'une restauration de la communion avec Dieu, d'une certaine manière encore un peu partielle, bien que beaucoup plus grande que tous les repas de l'Ancienne Alliance, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure dans ce texte de Matthieu que je réaffiche, « Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Où là, on sera à nouveau en train de partager un repas pour l'éternité, le festin des noces de l'agneau lorsque Jésus va revenir. Et donc, le repas de la scène qu'on prend, je pense, une fois par mois dans votre église, ça pointe vers ce repas qui nous attendra dans les cieux avec notre Seigneur et Sauveur Jésus. En fait, dans toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit Dieu amener son peuple à communier avec lui, et cela passe très souvent par des repas. On mange et on boit dans la présence du Seigneur. Et donc, la scène est un repas, mais en même temps, ce n'est pas un repas ordinaire. C'est un repas qui a un sens particulier, on va y revenir dans un court instant, et un repas dans lequel nous sommes en communion les uns avec les autres et en communion dans la présence de notre Dieu. Ce repas de la scène est constitué de deux éléments, le pain et le vin. Et à l'époque du Nouveau Testament, le pain, c'était l'élément de base. Vraiment l'élément de base, on en mangeait tous les jours. C'était la base. Le vin, par contre, c'était un élément qu'on ne buvait pas du tout au quotidien. Aujourd'hui, on prendrait du vin dans la gastronomie française quasiment tous les jours, à chaque repas. On aime bien le vin. À l'époque du Nouveau Testament, le vin était réservé à la festivité. Il coûtait cher. Ce n'était pas un aliment de base comme l'était le pain. Mais le vin était réservé à des occasions particulières et associé là aussi à la fête, à la joie. Alors, parlons maintenant du sens de la scène. Pourquoi est-ce que nous partageons le repas de la scène? Tout d'abord, et il y aura quatre raisons, parce que ce repas se réfère à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Elle est même une commémoration. On est invité à faire cela, à participer à ce repas en souvenir de, comme on l'a lu tout à l'heure. La fraction du pain, le fait de manger le pain et de le manger ensemble, ça symbolise, ça représente le corps de Jésus qui a été crucifié. Le vin, le jus de raisin, le fruit de la vigne, représente, symbolise le sang de Jésus qui a coulé pour que nous soyons purifiés, pour que nous soyons pardonnés, lavés de nos péchés. Et donc la scène nous rappelle un événement qui est fondateur pour nous, dans notre foi en tant que chrétiens, c'est la mort de Jésus-Christ. Quand nous prions pour remercier Dieu au moment de partager ce repas, est-ce que je vous pose la question, est-ce que ça a du sens de dire dans notre prière, « Seigneur, bénis ce pain et ce vin ». Je vous laisse juste réfléchir un très court instant. Est-ce que ça a du sens de dire, « Seigneur, bénis ce pain et ce vin ». Je vais juste réfléchir quelques secondes. Vous vous doutez que si je pose la question, c'est que... En disant cela, ça laisse entendre que prendre, participer à ce repas va produire quelque chose en nous. Peut-être presque un peu comme quelque chose de magique qui va s'opérer. le pain, le vin qui rentrent en nous, qui peut-être vont nous purifier ou quoi. Mais en fait, ça n'a pas de sens de dire les choses ainsi, parce que rien de magique ne s'opère en nous, en particulier dans notre corps, quand nous prenons ce repas. Ce qui purifie, ce n'est pas le pain et le vin en eux-mêmes qui ne sont que des symboles, qui ne sont que des représentations du corps de Jésus et du sang qui a coulé. Ce qui purifie, c'est le fait de confesser nos péchés à Dieu, comme on le lit dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Ça, c'est ce qui nous purifie. Mais le pain et le vin, en soi, non. Nous devrions plutôt dire à Dieu, lorsque nous participons à ce repas et que nous prions, « Seigneur, nous te bénissons pour ce que représente le pain et le vin. » Dans leur sens, dans leur symbole. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous en mourant sur la croix. Ce à quoi le pain et le vin se réfèrent. Et ce qui aide à rappeler toujours à notre souvenir, nous qui sommes souvent aussi oublieux, de ce que Jésus a fait pour nous. Nous bénissons Dieu pour son œuvre de salut à la croix, pour le don du Fils, son Fils unique. Autrement dit, quand on prie pour introduire le repas de la scène, on ne demande pas à Dieu de bénir les éléments, mais on bénit Dieu pour le sens qu'il y a dans ce symbole du pain et dans ce symbole du fruit de la vigne. La scène se réfère donc premièrement à la mort de Jésus sur la croix, et aussi, deuxièmement, elle est la proclamation de la mort de Jésus pour moi, pour nous. On l'a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 11, verset 26, « Chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. » On proclame, on annonce que Jésus est mort pour moi. Il est mort pour nous. C'est une proclamation. Et de cette proclamation, il en résulte que la scène, elle est la participation, c'est le troisièmement, la participation aux bienfaits qui découlent de ce sacrifice de Jésus-Christ. C'est un moyen de grâce, d'une certaine manière. En participant à la scène dans une attitude, et j'insiste bien sur une attitude d'obéissance et de foi, j'attire sur moi une bénédiction qui vient de Dieu par son esprit. Et cette bénédiction va nourrir, va fortifier mon âme. Un moyen de grâce. En participant à la scène, je me rappelle que j'ai reçu le pardon des péchés. En participant à la scène, je me rappelle que je suis en paix avec Dieu. Je suis réconcilié avec mon Père qui est dans les cieux. Je me rappelle que je suis devenu enfant de Dieu, et nous l'avons chanté. Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis uni à Dieu par la foi. Je suis en communion avec Dieu. Et en participant à ce repas de la scène, je me rappelle que je suis aussi en communion avec mes frères et mes sœurs en Christ, mes frères et mes sœurs dans la foi. Et tout cela vient fortifier mon âme, vient nourrir mon âme. C'est une bénédiction de se rappeler cela à chaque fois. Et c'est important de le rappeler, de se le dire. Ça nourrit intérieurement notre âme. Pas le corps physique, mais l'âme, notre esprit. Rappelons-nous, par ce repas de la scène, de ce que Christ a fait pour chacun de nous. Enfin, la scène, elle est l'expression de l'unité des croyants. Jusque-là, j'ai beaucoup parlé de ce que la scène représente pour moi, pour chacun de nous. On se rappelle à soi-même, mais aussi on se rappelle que la scène est quelque chose qui se vit dans le cadre de la communauté. Il y a dans le chapitre précédent de 1 Corinthiens, donc au chapitre 10, un verset qui est très important, 1 Corinthiens 10, verset 17, qui dit ceci, « Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons que un seul corps, puisque nous partageons entre tous ce pain unique. C'est très symbolique ce que Paul dit ici dans ce texte d'1 Corinthiens 10, verset 17. Et c'est même une réalité qui est très forte. Nous faisons partie d'un même corps. Un même corps. Et le Nouveau Testament aime utiliser, pour désigner l'Église, cette image du corps. Nous sommes un corps. Ici, il y a une représentation visible et concrète de ce corps plus vaste qu'est le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, l'Église universelle. Nous faisons partie d'un corps même qui dépasse ces murs ici. De par le fait que nous confessons tous ensemble notre foi dans le Christ qui est mort et qui est ressuscité pour nous, eh bien nous sommes unis par la foi et nous formons un seul et même corps. Et c'est une confession de foi qui est à la fois personnelle, mais aussi communautaire. Et vous remarquerez que je ne parle pas en termes de prendre le repas de la scène, mais je préfère utiliser l'expression participer au repas de la scène. Et ce n'est pas un hasard. Dans le fait de participer au repas de la scène, il y a l'idée de je participe avec d'autres. Je participe au sein du corps dont je fais partie, avec les autres membres du corps, avec moi dans le corps de Christ. Je participe à un repas qui est communautaire. Quand on parle de dire, quand on dit « je prends le repas du Seigneur », on pourrait presque tomber dans le piège de penser, de croire que voilà, je prends le repas, je le prends pour moi et uniquement pour moi. Et on oublierait que la scène, elle est aussi l'expression de l'unité des croyants. On a besoin de se rappeler qu'on participe à un repas avec nos frères et nos sœurs. Il y a une dimension communautaire, tout comme pour le baptême, qui est la première ordonnance que Jésus nous a laissée. Ça n'aurait pas de sens de se baptiser tout seul dans sa baignoire chez soi, tout comme ça n'aurait pas de sens de prendre du pain et du vin chez soi tout seul. On le fait en Église, même si toute l'Église n'est pas là, mais on le fait avec des frères et des sœurs en Christ. Parce que ces deux ordonnances du Seigneur n'ont de sens que lorsqu'elles sont vécues dans le cadre de la communauté. Donc, pour résumer jusqu'ici, la scène, elle se réfère à la mort de Jésus sur la croix. Elle est la proclamation de la mort de Jésus pour moi. Elle est aussi la participation aux bienfaits qui découlent de la mort de Jésus et elle est l'expression de l'unité des croyants. Alors quand on a dit tout cela, il y a deux questions qui se posent. La première question, la scène pour qui ? Qui peut communier ? Qui peut participer à ce repas ? Et puis, deuxième question, la scène comment ? Ou dans quelle attitude ? Donc je commence par la première question. La scène, qui peut y participer ? Globalement, la grande majorité des chrétiens évangéliques s'accordent pour dire que seules les personnes qui croient en Jésus-Christ peuvent participer à ce repas de la scène. Ça devrait s'afficher, voilà. Les croyants, ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui sont passés par une conversion, ceux qui ont vraiment, qui sont nés de nouveau, qui sont devenus enfants de Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ. Après, d'une église à une autre, il peut y avoir des églises, comme c'est le cas chez vous, qui exigent que les chrétiens qui participent à la scène soient déjà baptisés, soient baptisés. Et ça a du sens de dire les choses comme cela. C'est logique même d'une certaine manière. Dès lors qu'on croit en Jésus, qu'on se revendique de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, alors on devrait, en toute logique, si on suit ce que la Bible, le Nouveau Testament dit, commencer par se faire baptiser. Et d'ailleurs, dans les Actes des Apôtres, le baptême arrivait très tôt après la conversion. Parfois même le jour même. On se fait baptiser. Et ensuite, une fois qu'on est baptisé, une fois qu'on a dit à l'Église le jour de son baptême, ben voilà, par ce baptême, dorénavant, je fais partie du corps de l'Église locale, et bien là, ça a du sens de dire, je vais participer à ce repas avec mes frères et mes sœurs qui sont là dans cette Église locale aussi. Ce serait curieux, il me semble, qu'une personne qui se revendique de Jésus-Christ participe à la scène et remette à plus tard le baptême. Il me semble que ce serait rater quelque chose. Pourquoi obéir à l'une des ordonnances, la scène, et ne pas mettre en pratique l'autre, le baptême ? Ça n'aurait pas de sens. Si nous nous engageons à suivre Jésus pour le restant de notre vie, alors faisons-nous baptiser et ensuite partageons le repas de la scène avec les frères et les sœurs dans la foi. Deuxième question, la scène, comment ? Dans quelle attitude ? C'est poser la question de l'examen de soi dont il est question dans ce texte. Je le réaffiche. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même sérieusement et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul ici entend par le fait de manger ou boire d'une manière indigne ? En fait, c'est le contexte qui permet de comprendre ce que Paul est en train de dire dans les versets 27 à 29. Et tout à l'heure, j'ai fait exprès de lire le texte de 1 Corinthiens du verset 17 jusqu'au verset 34, parce qu'en fait, la partie souvent qui nous intéresse le plus, celle peut-être qu'on lit le plus pour introduire la scène, ce sont les versets 23 à 26, mais c'est important de les remettre dans le contexte. Le contexte en particulier de cette lettre aux Corinthiens, de l'église de Corinthe, des chrétiens de Corinthe. À l'époque, les premiers chrétiens, comme c'était le cas vraisemblablement ici à Corinthe, mais vraisemblablement pas qu'à Corinthe d'ailleurs, partageaient le repas de la scène lors d'un repas. Ils ne le faisaient pas forcément à la fin d'un culte ou quoi, ils mangeaient ensemble, ils se retrouvaient pour manger ensemble, et là, au cours du repas, tout comme Jésus a institué la scène au cours d'un repas, le repas de la Pâque juive, eh bien, on partageait la scène. Et moi, j'ai déjà vécu parfois la scène sous cet angle-là, et c'est super intéressant aussi de se dire, on peut le prendre aussi lors d'un repas, pas uniquement lorsqu'on fait un culte au Seigneur, un culte en église, etc. On peut aussi, et ça a tout à fait du sens. C'était comme ça, en tout cas, que les chrétiens le faisaient à l'époque. Et dans le contexte qui était celui de Corinthe, chacun mangeait et buvait ce qu'il apportait, et certains avaient beaucoup, au point même parfois de finir ivre, comme on le lit dans le début du passage, tandis que d'autres apportaient peu, on arrivait, ou alors ils arrivaient quand tout était fini, parce que c'était des serviteurs. Et c'est vrai qu'à l'époque, les chrétiens, ça pouvait être des hommes libres, et parfois c'était des serviteurs qui avaient des tâches à accomplir, et lorsqu'ils avaient fini leurs tâches, ils arrivaient au repas, et là, qu'est-ce qui se passait ? Ben, le repas était déjà terminé. La scène avait déjà été prise par tous les autres. Donc, des inégalités sociales, des riches, des pauvres, des hommes libres, des serviteurs, des domestiques. Et c'est dans ce contexte que l'apôtre Paul leur rappelle le sens de la scène. Et pour comprendre ce qu'il entend par manger et boire de manière indigne, s'examiner soi-même, discerner ce qu'est le corps, eh bien, il nous faut regarder aux deux derniers versets du passage. Ainsi donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas en commun, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a particulièrement faim, qu'il mange d'abord chez lui, afin que vos réunions n'attirent pas sur vous le jugement de Dieu. Quant aux autres points, je les réglerai lors de mon passage chez vous. Ce qui est indigne dans le contexte là de ces chrétiens de Corinthe, c'est de manger pour satisfaire sa faim, tout en ratant finalement la signification, le sens de ce qu'est la scène. Manger le pain sans attendre que les autres arrivent montre qu'on n'a pas compris le sens du pain. Le pain n'est pas là pour satisfaire notre faim. Le pain du repas de la scène, hein, j'entends. Il n'est pas là pour satisfaire sa faim, mais pour nous rappeler la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et donc prendre indignement le pain ou prendre indignement la coupe, dans le contexte de l'église de Corinthe, c'était concrètement le fait de ne pas s'attendre les uns les autres. De ne pas respecter ces inégalités sociales qu'il pouvait y avoir. Et c'était du coup manquer complètement la signification de ce qu'est le pain, de ce qu'est la coupe. Des chrétiens de Corinthe ne discernaient pas le corps qu'est l'Église. Or, un corps est un, il est uni. Mais les Corinthiens, par leur attitude, ne vivaient pas l'unité en leur sein. Et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau, parce que si vous regardez au chapitre 1, dès le début du chapitre 1 de ce même livre de 1 Corinthiens, on voit déjà qu'il y a des divisions dans cette Église. Quand on lit « Moi je suis de Paul, moi je suis de Christ, moi je suis de Barnabas », etc., etc. Une Église qui est divisée. Paul a fort à faire avec cette Église, jusque-là dans le repas du Seigneur. C'est pourquoi Paul exhorte ceux qui ont faim à manger chez eux avant de venir célébrer le repas de la scène. Et il leur rappelle qu'ils seront jugés s'ils mangent et s'ils boivent à la va-vite, de manière égoïste, sans penser à ce que représente, à ce que signifie, à ce que symbolise le pain et la coupe. Si Paul devait écrire à l'église chinoise protestante de France, qu'est-ce qu'il dirait ? Chers frères et sœurs de l'église chinoise protestante de France, je ne cesse de rendre grâces à Dieu à votre sujet lorsque, nuit et jour, je fais mention de vous dans mes prières. Point de suspension, point de suspension. Un peu comme Paul a écrit dans 1 Corinthiens, et dans beaucoup de ses lettres, il commence souvent par des sujets de reconnaissance, où il prie pour les frères et les sœurs des églises auxquelles il s'adresse. Puis, arrivé au chapitre 11, verset 17, « Puisque j'en suis aux directives, il me faut mentionner un point sur lequel je ne saurais vous féliciter, point de suspension. » Est-ce qu'il aurait besoin d'écrire quelque chose là-dessus, vous concernant ? Alors, moi, je ne suis qu'un humble messager et je ne vous connais pas tous. Et même quand bien même je vous connais, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur. Paul connaissait bien mieux les Corinthiens en s'adressant à eux que moi aujourd'hui en m'adressant à vous. Mais je vous invite à réfléchir, à vous interroger. Vous partagez la scène régulièrement, une fois par mois. Est-ce que vous vivez l'unité entre vous ? Et je vous invite à vous poser des questions, chacun individuellement. Est-ce que j'ai conscience de former un même corps avec mes frères et mes sœurs en Christ ? Un même corps et un seul corps, un corps unique. Est-ce qu'il y a peut-être un conflit latent avec un frère, avec une sœur, qui est là depuis longtemps, qui traîne, qui n'est pas résolu ? Est-ce que personne parmi vous ne parle dans le dos d'une autre personne ? Est-ce qu'il y a besoin de pardon pour restaurer des relations qui ont besoin d'être restaurées, qui ont été blessées, qui ont été meurtries ? Peut-être est-ce qu'il faudrait que même dès la fin de ce culte, j'aille voir un frère, une sœur en Christ pour lui demander pardon pour quelque chose ? Est-ce que je suis prêt à reconnaître mes torts et à demander pardon ? Est-ce que je suis prêt à accorder mon pardon ? Pas facile de pardonner, pas facile de demander pardon. Et cela, c'est uniquement des questions liées à l'unité dans les relations. Mais participer à ce repas de la scène, c'est aussi dans l'examen de soi, c'est aussi se remettre en question dans sa propre relation avec Dieu, dans ce que j'ai pu vivre dans ma piété cette semaine avec le Seigneur, les manquements que j'ai pu malheureusement avoir dans ma vie. Être amené à réfléchir, non pas pour se meurtrir, non pas pour se flageller, mais parce que c'est quelque chose qu'on fait avec sérieux. Alors je ne sais pas ce que vous vivez, et donc je ne vais pas plus loin ici que simplement vous inviter à réfléchir et à vous poser telle ou telle question pour susciter la réflexion. Interrogez-vous, examinez-vous. Notez que l'apôtre Paul dit que chacun donc s'examine sérieusement lui-même. Il ne dit pas examinez votre frère ou votre sœur. C'est un examen personnel. On n'est pas là pour juger pour les autres ou juger les autres. Il dit que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors, et j'insiste, le « et qu'alors » ils mangent de ce pain et boivent de cette coupe. Parce qu'une fois que nous nous sommes examinés sérieusement nous-mêmes, nous sommes invités, nous sommes même exhortés à participer à ce repas. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce qu'il peut arriver que ce repas, cet examen de soi, on le vive un petit peu de manière très scolaire. Est-ce que j'ai la moyenne cette semaine pour participer à ce repas? Est-ce que je le mérite? Est-ce que j'ai 10 sur 20? Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Ce n'est pas un examen comme l'examen qui vous permettra de passer en seconde ou en terminale ou en bac plus je ne sais pas combien. Si quelque chose dans votre vie n'est pas en règle avec le Seigneur, que ça soit sur le plan personnel, sur le plan relationnel ou quoi, peu importe ce que c'est, lors de cet examen de vous-même, identifiez avec le Seigneur ce qui ne va pas. Demandez pardon au Seigneur pour ce qui ne va pas. Mettez tout en œuvre pour régler ce qui ne va pas. Si c'est sur le plan relationnel, s'il y a un conflit latent, allez voir votre frère, votre sœur en Christ, demandez-lui pardon. Ça pourra se faire qu'après la fin du culte. Je ne vous demande pas de vous lever maintenant pour aller vous voir les uns les autres, s'il y a besoin. Et qu'alors, ils mangent de ce pain et boivent de cette coupe. Vous voyez la dynamique? Le repas de la scène n'est pas là pour qu'on s'en prive, parce qu'on n'aurait pas eu la moyenne, mais il est là en vue d'y participer, en vue de vivre cela comme un moyen de grâce, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en se rappelant de ce que Jésus a fait pour moi, pour chacun de nous. En vue de participer, et non pas en vue de dire « je ne le mérite pas cette semaine, ce repas du Seigneur ». Ne raisonnons pas comme ça. Refuser de participer au repas de la scène, ce serait comme dire, eh bien, à l'image de ce qu'a été ma semaine, des manquements, des péchés que j'ai pu commettre, eh bien, je ne suis pas digne de participer à la scène tel ou tel dimanche. Mais moi, j'aimerais vous dire une chose, c'est que si on raisonne ainsi, en fin de compte, personne n'est digne de ce repas. Personne ne peut arriver un dimanche où il y a la scène en disant « cette semaine, j'ai été clean ». Impeccable. Sinon, je peux vous dire, ça ne sert plus à rien de prendre la scène, enfin de la préparer ou quoi. Hein. La scène, elle est là en vue d'y participer. Et l'examen est là en vue de remettre notre vie en règle. Et je crois malheureusement qu'on aura besoin de faire cela jusqu'au retour de Jésus. Finalement, seuls ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, qui disent à Dieu leur désarroi, « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, je ne mérite pas ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je participe à ce repas pour me rappeler encore et encore de tout ce que tu as fait pour moi. Et si, Seigneur, j'ai besoin de changer quelque chose dans ma vie, aide-moi. » à mettre tout en œuvre pour cela. Si j'ai besoin de me réconcilier avec mon frère, ma sœur en Christ, aide-moi à aller le voir, la voir, lui demander pardon ou la pardonner. Je participe, Seigneur, à ce repas avec un cœur repentant, en ayant examiné ma vie. Si nous pouvons participer à ce repas, dimanche après dimanche ou mois après mois, c'est uniquement en vertu de ce que Jésus a fait en venant donner sa vie à la croix pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Ce n'est pas parce que nous le méritons, mais c'est uniquement parce que Jésus est venu et qu'il a pris notre place sur la croix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons purifiés. Et ce repas de la scène nous rappelle cela, se réfère à cela et nous rappelle que nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Sinon, ce ne serait même plus une grâce, ce serait un dû. Mais ça reste et ce sera toujours une grâce parce que nous ne le méritons pas. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour ce repas de la scène que tu as institué. Et nous voulons, Seigneur, apprendre à participer toujours plus à ce repas de la scène dans cet esprit de joie, de reconnaissance, en étant conscient, Seigneur, de ce que tu es présent aussi à nos côtés dans ces moments-là. Nous voulons, Seigneur, te bénir pour ce que représente le pain. Il symbolise le corps de Jésus qui a été crucifié pour moi, pour chacun de nous. Nous voulons te bénir aussi pour ce que représente, pour ce que symbolise le vin, ton sang qui a coulé pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à nous rappeler que la scène se réfère à la mort de Jésus sur la croix. Et en y participant, nous voulons proclamer encore et encore jusqu'à ton retour de la mort de Jésus pour nous. Et nous voulons nous approprier comme tout à nouveau les bienfaits qui découlent de ce que Jésus a accompli pour nous. Merci Seigneur, parce que dans ta grâce, nous sommes pardonnés de nos péchés, nous sommes réconciliés avec toi, notre Dieu, nous sommes en communion avec toi et en communion les uns avec les autres. Seigneur, que ce repas se vive à chaque fois que nous le prendrons, mois après mois, de manière à manifester cette unité les uns envers les autres, conscients que nous formons un seul et même corps. Et Seigneur, dans cet examen de nous-mêmes auquel tu nous appelles, aide-nous, Seigneur, si nous avons un différend avec un frère, avec une sœur en Christ, à le résoudre. Et si, d'une manière plus générale, quelque chose dans notre vie n'est pas en règle avec toi, avec ta parole, aide-nous à te confesser cela, à accepter ton pardon et à participer à ce repas dans une attitude d'obéissance et de foi. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.